nous nous sentons si bien. Parlons du Seigneur, oh oui, continuons, allez, bon Dieu charmant. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien, parlons du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien, en parlant du Seigneur. Oh oui, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur. Maintenant, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ses bons vieux chemins. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur. Oh oui, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien, à parler du bon vieux chemin. Oh, nous nous sentons si bien, à parler du Seigneur. Oh oui, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ses bons vieux chemins. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur. Maintenant, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien, parler du bon Dieu. Nous nous sentons si bien, parler du Seigneur. Maintenant, continuons à parler du bon Dieu. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parle de ses bons vieux chemins. Le diable n'aime pas cela, parle du Seigneur. Maintenant, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. C'était le cantique croisement numéro 9. Nous nous sentons si bien en parlant de ce bon vieux chemin. Par où sont passés des héros de la foi. Là où ont marché les saints d'autrefois. Et quand nous en parlons, nous nous sentons si bien. Et ce sont bien là que nous ne voulons pas manquer. Ici à l'église. Même dans nos maisons. Même chemin faisant. Même dans le milieu du travail. Et parler du Seigneur. Parler de ce bon vieux chemin. Pour tous ceux qui ont cru, ont eu gain de cause. Ils n'ont été ni confondus, ni délaissés. Mais ils ont toujours été secourus. assistées et bénies. Elles ont toujours été exaucées. Car Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle à chaque parole. Donne la parole pour communier avec nous. Pour traiter avec nos âmes. C'est lui qui suscite notre foi. Il l'alimente et l'entretient. Il la fait croître à maturité. Il la perfectionne. Dieu infaillible. Il n'est pas loin de chacun de nous. Nous le croyons et nous le savons. Il est là à portée de main. Notre foi doit le voir. Ton cœur doit s'en convaincre. Que Dieu est ici. Jéhovah Shama. Dieu est ici. Il est avec nous. Père céleste. Nous t'adorons. Alors que nos prières sont allées à toi. Mais d'autres prières encore vont aller à toi. Nous t'adorons et bénissons ton nom. Qui est sans pareil. Un nom suprême. Souverain et parfait. Un nom complet et tout suffisant. Le nom d'Elohim, notre Dieu. Dieu immuable de génération en génération. Tout le temps et partout. Nous sanctifions ton nom et nous te confessons notre foi. Les choses que nous t'avons demandées, les choses que nous t'avons soumises ce soir sont dans les bonnes mains. Tu as entendu et tu exhortes. Tu donnes une suite. Dieu compatissant. Guéris chaque infirmité. Guéris toute maladie. Que ta justice domine à nous. Que ta joie nous envahisse. Que la paix de Dieu inonde nos cœurs. C'est pour ta gloire que nous demandons ces choses. Convaincu que tu es Dieu. Tu existes réellement. Et tu fais de grandes choses. Tu fais des merveilles innombrables. Ta main puissante est illimitée. Viens au secours de chacun. De tout cœur nécessiteux. De tout couple nécessiteux. De toute famille nécessiteuse. Viens aller au secours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 14. Nabaloma mokapo yazomi na minei. En guise d'exhortation. Lokola lilendisi. Romains 14. Baloma zomi na minei. Le verset 17 et 18. Nzela kotanga zomi na sambupe zomi na mambe. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Nzambi bokondi na nzambe ezali likambo ya kolia mpe komela te kasi ezali boyenge bene mpe kimia mpe esengo kati na mulimu mosantu ye oyo akosalelaka Kristo na nzela yango akosepelisa nzambe mpe bato bakokumisa ye. Matthieu chapitre 9, Matayi mukapo yalibua, le verset 35. Nzela kotanga tuku misatu na mitano. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mpe Yesu atambolaki mboka minene mpe bamboka mike nyonso. Wana ezalaki ye kolakisaka na biyangenelo na bango mpe kosakolaka sango malamu na bokonzi mpe kobikisaka mpasi nyonso mpe malali nyonso. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souhaitons à chacun bienvenue à la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Oui, vous savez que quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Regardons ici-bas, il y a que des choses injustes et incorrectes. Mais tournons-nous vers le Seigneur pour avoir la joie. Si nous avons lu dans Romains 14, on n'a pas beaucoup de minutes ce soir, c'est juste quelques paroles d'exhortation pour compléter notre service d'adoration, la réunion de prière et être juste devant Dieu. Voulez-vous? Alors dans Romains 14, on a lu les 2 versets 17 et 18. C'est quelque chose qui va en accord toujours avec notre sujet ici de la deuxième commission de William Branham. Mais nous ramenons ça à un niveau un peu plus élémentaire pour tout le monde. Donc, sans trop parler de Frère Branham lui-même, mais nous touchons à l'évangile que même Frère Branham devait prêcher. Alors, il est dit dans Romains 14, verset 17 et 18. Car le royaume de Dieu, c'est ne pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu. Et ce que nous faisons quand nous nous rassemblons, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Prêcher l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile d'un Dieu qui règne. L'évangile d'un Dieu qui est roi éternel. L'évangile d'un Dieu qui règne éternellement. L'évangile d'un Dieu qui domine sur toutes choses. Et sa royauté est incontestable. Et son royaume là sera instauré un jour sur la terre dans le monde. Il sortira du domaine invisible où seuls les croyants sont exercés à saisir les contours pour devenir palpables pour tous les humains. Sur cette terre où nous vivons, vous êtes. Alors l'évangile que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faudrait que nos pieds soient heureux. Heureux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Et qui disent à Jérusalem que ton Dieu règne. N'est-ce pas ce que, qui est écrit dans les prophètes? Donc les pieds de ceux-là qui disent au peuple de Dieu, à Jérusalem, que ton Dieu règne. Ton Dieu règne. C'est un Dieu qui domine partout. Sa domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, même sur les îles lointaines, le fleuve des océans. Dieu règne et domine. Dieu est souverain supérieur. Autorité incontestable. Domination universelle. Personnalité incontournable. Il est le pivot de tout. Le pivot, c'est la racine centrale. Quand vous essayez de creuser Là où un gros arbre est planté, vous verrez plusieurs racines. Hein? Donc, pivotante. C'est-à-dire celle qui est en connexion rectiligne avec la tige de la tige. Qui est dans le même axe que l'arbre. C'est-à-dire si vous touchez cette racine-là, l'arbre va sécher. Car les autres racines sont des racines secondaires. Elles ne viennent qu'en renfort. Mais la racine pivotante, c'est de laquelle la vie de l'arbre dépend. Et Dieu, il est cette racine. Il est la source de la vie. Non seulement pour les humains, mais pour toutes les créatures. Et la Bible dit qu'il tient dans sa main le souffle de tout ce qui vit. Dieu. C'est lui Dieu qui tient dans sa main le souffle de tout ce qui vit. Et c'est de lui Dieu que nous recevons l'existence, le mouvement, l'être et toutes ces choses. De lui dépend tout. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 8, qu'il y a un seul Seigneur, par qui sont toutes choses. Et pour qui sont toutes choses. Il y a un seul Dieu. Pour qui sont toutes choses. Voyez frère, un seul Dieu. Et Père. Et c'est pour lui que sont toutes choses. Un seul Seigneur. Par qui toutes choses sont par lesquelles elles sont. Que Dieu soit loué. Si toi tu es en bon terme avec ce Dieu-là, ta vie est mieux garantie. Il peut nous garantir du séjour de mort, dit la Bible. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui règne. Et quand vous priez, dites notre Père qui est sur, et pour nous soit sa que ton règne vienne. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous apprend ça. Et la bonne nouvelle elle-même, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il peut se faire que tu sois souffrant. Que tu aies beaucoup d'échecs. Et des problèmes indescriptibles. Voire même innombrables. Mais tu vaux la peine d'entendre ceci. Ton Dieu règne. S'il règne et qu'il domine partout. Ce qu'il peut dominer, même tes échecs. Il peut dominer tes infirmités. Il peut dominer tes douleurs. Les empêcher de s'exprimer. Et empêcher à ton corps de les ressentir. Parce que ton Dieu règne. Il règne même sur tes peurs et tes angoisses. Il domine sur tes incertitudes. Il domine sur tes questionnements multiples. Il a la réponse à tout. Alors le pied qui annonce cette bonne nouvelle, oh béni. Il est fort de la beauté de Dieu parce qu'il attire les âmes dans les royaumes. Nous attirons les âmes sous le règne de Dieu. Et toi aussi, quand tu viens, amène-toi avec tes Mikumba. Amène-nous sous le règne de Dieu. Dis, même si moi je n'arrive pas à dominer ça, mais mon Dieu domine ça. Même si mon corps n'arrive pas à les dominer, mais la voix que mon Dieu m'a donnée domine ça. Même les mikumba des péchés, des soucis, des inquiétudes, des troubles. Oh, soumettons-toi à Dieu. Isaïe chapitre 35. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 4? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. En anglais, on dit « be strong », c'est-à-dire « soyez fort », malgré le cœur troublé. La parole de Dieu te dit « soyez fort », malgré les afflictions du cœur, les chocs et les déceptions, les frustrations. Soyez fort. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. C'est vrai. Amen. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Si ton cœur est troublé, sois fort. Amen. Non pas de part, mais les sentiments de ta chair. Mais à cause de sa parole. Parce qu'il l'a dit. Je suis fort. Je me sens fort. Pierre avait travaillé toute la nuit. Sans attraper même un petit flétan. Mais le Seigneur vient. Jette le filet à droite. Jette-le à la droite. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Jette ce filet-là à droite. Jette un regard à ta droite là. Il y a quelqu'un qui se tient là. Si ton serve te connaît, tout ce que tu ressens, il est récent. Il est au courant de tout. Avant que tu l'informes de rien. Ah, il est omniscient. Le tout frère. Amen. Le filet à droite. Alors Pierre se dévoile. Maître, j'ai travaillé toute la nuit. C'est fiasco. Et mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Bon. Tu l'as dit? Tu as montré ta bonne volonté. Tu as dit amen à la parole. Exécute maintenant. Jette à droite. Bon, il s'est dit, bon, peut-être que c'était juste un exercice qui m'a soumis. Ici, résistance. Ah, okay. Mais j'étais ici tout ce temps ici. Toute la nuit, j'ai fait des filles. De côté et d'autre. J'ai tourné les regards au nord au sud. J'ai cherché le secours à attraper les poissons. Mais il n'y a eu rien. Et le côté. Mais comment? J'étais. Le filet résiste. Il veut quand même. Ça va pas mal. Les amis, venez. Renforcez-moi. Voyons un coup. Essayons. Allez, prenons. Une, deux, trois. Vous commis balayez ça. C'est toujours fort. Encore une, deux, trois, quatre. Après un moment, il jette par terre. Boaki. Des poissons innombrables. Mbisimeke. De toute espèce. D'où sont-ils venus? Et où tu as pris? La parole a créé par la foi de Pierre. Si Pierre n'avait pas cru, rien ne se serait fait. Jésus n'a pas dit qu'il y ait des poissons. Il lui a dit de jeter le filet. Pierre a reçu la parole. De bon cœur. Et cette parole s'est amplifiée elle-même. Et elle a fourni aux besoins qui étaient dans le cœur de Pierre. Elle a créé des poissons innombrables. Jésus-Christ est le même jusqu'à maintenant. Rejetez l'esprit de la pauvreté. Votre grand règne, il peut relever le pauvre du fumier, il le fera soin sur la table des grands. C'est de Dieu que Dieu l'élévation. La consolation et la bénédiction. Alors nous disons à ceux qui ont le cœur troublé. Il a dit à ceux qui ont le cœur timide. Quand on a le cœur troublé, il y a une version, je crois, au Stéphane qui dit, dites à ceux qui ont le cœur timide. Attends, mais c'est encore à ceux-là que nous devons parler. Dites à ceux-là qui ont le cœur timide. Soyez forts. Prenez courage. Et ne craignez point. Parce que Dieu viendra lui-même. Et il vous sauvera. Amen. Amen. Amen. Et avant que cette promesse ne se réalise, nous allons dans les Esaïe, le même Esaïe, le prophète d'Esaïe, chapitre 61. Il y a quelqu'un qui parle ici. Si vous ne lisez pas bien, vous penserez que c'est Esaïe. Alors que c'est l'Esprit de Dieu dans Esaïe, l'Esprit messianique, l'Esprit de Christ, qui annonce les choses à venir. Esaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-il l'un de ces malheureux qui vit sur la terre, dont le pays de naissance a rendu malheureux? On dirait qu'autour de toi tout semble noir et désespéré. Mais c'est à ces malheureux que s'adresse la bonne nouvelle. Mais Dieu qui règne, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Écoutez, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur troublé. Le cœur timide. Et le cœur brisé. Il y a une onction prévue. C'est l'onction de l'évangile du royaume. Il vient avec force de Dieu pour casser les afflictions, pour renverser la situation et démontrer que Dieu règne et il est super puissant. Car la première des choses, c'est d'annoncer le bon nouveau malheureux. La chose y est rattachée. Il vient en première position. C'est la guérison divine. D'abord, la prédication de l'évangile. L'évangile du royaume de Dieu. L'évangile d'un Dieu qui règne. Et immédiatement, rattaché à ça, première chose qui va vivre, c'est la guérison divine. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement ça, nous sommes dérangés par les envoûtements, des poursuites démonologiques. Ne craignez rien pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Est-ce que vous croyez ça, mot à mot? Faisons comme Pierre et la parole pourvoira au reste. Quand tu entends ça, crois seulement, tu ne penses pas à toi appliquer, et entends le Créateur pourvoira au reste. Oh, Voyez le temps de l'accomplissement. Dans Luc au chapitre 4, toujours l'évangile du royaume. La personne dont question est venue. Luc chapitre 4. Écoutez Jésus lire. Verset 16 d'abord. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il s'éleva pour faire la lecture. Babotaki ye mpe na mokolo na sabata akotaki na yanga na lokola ezalaki motindo na ye mpe atelemaki kotangaka mokanda. Alors là on va aller du verset 16 au verset 19. Kino na mokolo zomi na. On lui remit le livre du prophète Esaïe que nous venons de lire. Mokanda na mosakoli Esaïe pe samelaki na maboko na ye wote otiko tanga. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le texte d'Esaïe disait malheureux, c'est une traduction. Ici, pauvre. Batu oyo ya pasto ya mikakata mukasa balobi babola l'un ou l'autre. Mokoto musu. Que vous soyez dans un cas ou dans l'autre. Otala na lolenga mokoto musu. Que vous soyez des nombres de ceux qui se considèrent malheureux. Otala na batu pasto. Ou des nombres de ceux qui se considèrent pauvres. Naba oh papa na bandi ko mila. Que l'évangile s'adresse d'abord. Vous allez dire par la Bible sans malamo ezali kolobela lana na liboso. Il m'a wa. Apakolinga. Ou annoncer la bonne nouvelle. Pour sa kola sans malamo. Oh pauvre. Na babola. Et ensuite. Penasima. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Oh, cette personne qui vient pour ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement elle est la personne annoncée dans Esaïe 61 verset 1, mais c'est seulement la même personne annoncée dans Esaïe 35 verset 4. Et encourager ceux qui ont le cœur timide, qui ont le cœur troublé, qui ont le cœur brisé, et qui leur a dit soyez forts. C'est la même personne. Mais elle se tenait là physiquement sur la terre. À l'époque où ceci est écrit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Vous avez la suite là. Aux captifs la délivrance. Je me suis arrêté là, je me suis arrêté au verset 1. Et aussi encore, je me suis arrêté au milieu du verset 19. C'est la première phrase. Les captifs. Et les prisonniers. Tous doivent être libérés. Libérés. Et les malades. Doivent être guéris. Malades du cœur. Parce qu'à cause de maladies du corps, le cœur en est affecté. À force de se demander jusqu'à quand, le cœur est choqué, il tombe en défaillance. Mais mes chers amis, soyez forts. C'est lui qui dit ça, a le pouvoir sur toute maladie. Et quand il a lu au commencement de son ministère, alors il leur dit ceci au verset 21. Il commence à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. En ce jour même, c'est accompli. Et si ceci t'est révélé, c'est que maintenant, tous ces fardeaux, des chocs de cœur, Les défaillances et tout cela. Les troubles de la vie. Jésus dit, c'est accompli. Par la bonne nouvelle qui force les choses. La parole du Seigneur qui soumet tout à la volonté de Dieu. Quand ta foi dit c'est réglé, alors tout va au pays. Même les symptômes qui semblent résister. Quand il y avait les ténèbres au commencement, Dieu n'a eu qu'à parler que la lumière soit. Il ne parlait ensuite de briller les ténèbres de disparaître. Il a dit juste que la lumière soit. Et il s'est tenu tranquille. Et puis la lumière fut. Quand la parole parle, le problème est résolu. Même si vous continuez à voir les ténèbres encore, vous savez pour les douleurs ici, il y a tous les symptômes qui apparaissent, et il y a des qui s'aggravent. La parole a déjà parlé. Tout doit se soumettre. Il n'y a pas de rébellion tenace devant Dieu. Il n'y en a pas. Sachez que votre Dieu règne. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Et le royaume s'impose pour que tout se soumette. Ce ne sont pas des négociations. De Lusaka, de San City, de Mbuela Lodge. Ce n'est pas ça. Ça c'est la prédication du royaume de Dieu. Ton Dieu règne, mon Dieu règne. Il n'est pas dans des négociations avec les ennemis. Pour chercher un terrain d'attaque. Quand les démons sont là, il est bout de dehors. Discordé, allez vous en, c'est fini. La chose est réglée. Est-ce que tu réalises ça? Regardez comment il exerçait son ministère. Nous revenons là où on a lui ici. Dans Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Oh, la bonne nouvelle du royaume, c'est pas le manger et le boire. Mais c'est la justice. C'est la joie. C'est la paix. Par le Saint-Esprit. Il est juste que tu sois guéri. Il est juste que tu sois en bonne santé. Il est juste que tu sois toujours joyeux. Il est juste que ton cœur ne soit plus troublé. Et que ton cœur soit en paix. Une paix durable, une paix éternelle. Cela fait partie de la justice de Dieu. C'est ce que nous prêchons dans l'évangile. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? C'est pas Dieu qui veut que tu souffres. Non. Il veut que tu sois toujours joyeux. Amen. Dieu veut que tu sois toujours joyeux. Et il l'a même ordonné, soyez toujours joyeux. Il le veut, il le commande. Nous devons croire et avancer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parcourait toutes les villes. Et tous les villages. Partout. Il n'y avait pas de domaine réservé. Au village du grand chef coutumier. Non, lui parcourt partout. Ton Dieu règne. Il a accès partout. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Ou la situation dans laquelle tu es. Ou la cachette où les ennemis sont réplongés. Ils parcourent partout. Il a accès partout. Il domine sur toutes choses. Et il est Dieu qui règne. Êtes-vous d'accord? Voilà. Voilà. Tous les organes de ton corps sont à ses yeux. Tous les tissus, toutes les cellules. Tout de toi est exposé ouvert devant Dieu. Il n'y a rien de caché. Il peut opérer sur toutes choses. Il peut agir sur chaque cellule de votre corps. Sur chaque partie de votre être. De l'esprit ou de l'âme. Dieu a tout à ses yeux. Et il a tout sous sa domination. J'aime entendre un croyant sincère. Qui trouve qu'ici n'est pas le lieu de faire de la farce. N'est pas le lieu de fanatisme. Mais c'est un lieu d'action. J'entends la parole de mon créateur. Il est mon rédempteur, mon libérateur. Et cela a un fait immédiat. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a accès partout. Et il a autorité sur toute infirmité. Et sur toute maladie. Lui-même, lui-même, il a fait ça. Jésus parcourait toute ville. Et le village. Nous nous sommes où? Et peut-être que toi qui m'entends, tu es dans un village. Ou même quand tu iras dans un village avec ce sermon. N'oublie pas que Dieu est fidèle à sa parole. La parole ne change pas à cause des couleurs du village. Elle a la même autorité partout. Hein? Jésus parcourait toutes les villes. Et les villages. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Que le pauvre et le malheureux se sentent consolés. Que le pauvre et le malheureux se sentent concernés. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Toute maladie et toute infirmité. Amen. Il est regretteux. Après la prédication de la parole du royaume, qu'est-ce qu'il dit en premier lieu? La guérison divine. Et la guérison est-elle limitée? Non. Elle est étendue à toute maladie. Et à toute infirmité. Jésus-là est le même ce soir ici. Il est le même partout, tu écouteras ce sermon. Il garde la même autorité. Il a la même fidélité. Il a la même efficacité. Il intervient avec le même amour. Quel que soit votre passé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. c'est la vérité. Jésus-Christ est le même jusqu'à présent. Il est le même dans ta chambre à coucher. Il est le même dans la douche où tu iras. Il est le même au Ouest où tu passeras. Il peut intervenir à ce moment. Il a la même puissance. Le même amour à ton égard. Voyez, au chapitre 10 suivant, le verset 1, après que lui ait démontré ce que son ministère était, et puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna les pouvoirs de chasser les esprits impurs. Et de guérir quoi? Guérir toute maladie et toute infirmité. C'est lui qui devait le faire en eux. Écoutez ce qu'il a dit. Au verset 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Boloba, Bokonzi, Nanikolo et Zaline. Moi aussi j'étais les prêches. Maintenant écoute bien. Le royaume de Dieu est proche de toi. Le même Dieu qui règne est plein de toi maintenant. Le même Dieu qui règne est plein de sa vie. Que son règne entre dans sa vie. Que sa domination se manifeste par toi. Qu'il soit là, ses compagnons. Se conduisant et se réélevant. À tout Seigneur. Spirituellement d'abord. Physiquement ensuite. Matériellement. Que son règne vienne. Alléluia. Amen, amen. Il a le même amour à ton égard. Il n'oublie pas sa parole. Il n'oublie pas ses promesses. Allez, et moi je suis parti. Je suis venu jusqu'à toi. Dieu a choisi le chemin. Non pas pour la famille, pour le paradisme, mais c'est pour des actions. C'est pour des résultats. C'est pour des témoignages. Allez, je suis parti. Prêchez, mais voici le prêchant. Je l'ai dit maintenant. Le royaume des cieux est proche. Après avoir prêché le royaume, quelle est la première chose qui prend place? La guérison divine. Verset 8, guérissez les malades. C'est pas limité. Ressuscitez les morts. C'est pas fini. Purifiez les lépreux. C'est pas terminé. Chassez les démons. Béni soit le nom du Seigneur. Rien ne doit nous résister. Nous agissons au nom du Seigneur. Nous agissons au nom du Seigneur. Nous agissons de sa part. Et la mort elle-même n'est rien. La maladie n'est rien. Les démons ne sont rien. Ils sont sous la domination de notre Dieu qui règne. Car la royauté est incontestable. Il a dit guérissez les malades, nous devons témoigner. Chaque semaine, il faut ça. Dans notre église, c'est comme ça. Chaque semaine, il faut ça. La parole est prêchée. Mais immédiatement, avec la parole, la guérison est vive. Chaque jour de culte, il faut ça. Chaque fois que nous attendons la parole, il faut ça. Mais c'est fatigué. Pas de pardonner, il ne fatigue pas de sauver, il ne fatigue pas de guérir. Allez dans son programme. Oh, mais l'État est notre ennemi, hein. Au moins, il bannit les sources. Bon, maintenant, vous voyez. Exposé de cette page de l'église. L'âge de l'église de Philadelphie. Il est connu à l'ingomba et à Philadelphie. Page 300. Le Kassan Kabamisatu. Première alinéa. Et Tenya Lugosu. Il n'aura jamais dit d'aller dans le monde entier établir des écoles bibliques. Il n'ira pas non plus d'envoyer de la littérature. Ces choses-là sont très bonnes. Mais ce que Jésus leur a dit, c'est qu'il leur a ordonné c'est de prêcher l'évangile et de s'en tenir strictement à la parole. Est-ce que nous le faisons ici? Votre église appelle cette bénédiction. La parole soit fidèlement prêchée. Gloire à Dieu. Pour cela que nous a fait. Et alors les signes suivraient. Écoutez. C'est quand il envoie les 12 que nous voyons pour la première fois comment le royaume de Dieu doit être prêché. C'est pas le manger et le boire. Mais la justice. La paix. Et la joie. Par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous voulons dans vos vies. C'est ce qui doit être prêché ici. Chaque fois que tu viens, ton corps malade troublé doit trouver guéri. Amen. De nouveaux problèmes viennent, trouve la joie ton cœur. Rendez-vous à la table du Seigneur. Quand la parole sera prêchée, la guérison s'en suivra. La délivrance surgira. La liberté s'imposera. Persévérons comme ça. Continuons à parler de ces bons vieux chemins. Le diable n'aime pas cela. Continuons. Et nous arrêtons pas, mais continuons. Alors il dit, dans Matthieu 10, verset 1 à 8. Il les instruisit. Puis il les envoie dans ce but. Voyez comme il est dit au verset 1 que nous avons lu. Il dit ça. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée, et Simon le Cananite, Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les noms des 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Nous sommes le colobi et Zalinde Salompe qui toque. Tolinga Kango Mingi et Zalipe Mousindo Koleka. Et pour la Kati, nous sommes au Pelaka. N'est-ce pas pour toi? Nous allons au Pelaka. Alléluia. Aux autres, il faut que je quelque chose. Alléluia. Il faut que je ne fasse pas quelque chose. Ton âme est silite. Il y a un autre bac qui s'en. Comment tu as fait Brenan? Malobaya, le colère de Kobrenan. Le ministère qu'il leur a donné. Le temps où il a pensé qu'il m'a été en réalité une part était de son propre ministre. Il y a le temps où il y a eu mon coup. Amen. Et le Congo va nous réclamer la question. C'est Yangoulo. Amen. Le ministère que Jésus leur avait donné là. Mon salaire était en réalité une part éteigne de son propre ministre. Éteignez ça et méditons ça. Mais il suffit de comparer Matthieu 10, verset 1 avec Matthieu 9, verset 35. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Dans Matthieu 10 là-bas, le verset 7, allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Lui prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il a dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. La même chose que lui. Mais quand il prêchait la bonne nouvelle du royaume, quelle est la chose qui a suivi? Il guérissait toute infirmité. Et il guérissait toute maladie. Maintenant, quand il a appelé les douze à lui, c'est la première chose qu'il a fait pour eux. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, tous les esprits impurs, et de guérir toute infirmité et toute maladie. Chose que lui-même faisait dans toutes les villes et les villages. Et maintenant dans Matthieu 10, verset 8, la première partie, il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Le Seigneur l'a dit, mon cœur le croit. Ce travail que eux là devaient faire, c'était en réalité le travail de Jésus-Christ lui-même. Donc, Nabongo, il devait travailler par les canards. Nous l'aimons pour ça. Et puis il dit, car il est dit dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, et toute infirmité. Voilà. Tout est clair. Les mêmes choses que Jésus faisait, il a doté ses disciples des mêmes capacités. Nous sommes bénéficiaires. Nous sommes des ayants droit. C'est comme ça que le royaume de Dieu doit être prêché. Amen. Notre méditation ce soir. Oh, et quand il s'est la comment les royaumes de Dieu doivent être prêchés? Nous entendons strictement à la parole de Dieu. Nous prêchons rien d'autre que la parole. Mais les signes doivent suivre. Au premier plan, la guérison divine. La délivrance de ça. La liberté de cette. Tout cela doit se manifester. Croyez-vous que Dieu bénisse ceci. Le temps est fini. Tango ici. Ce qui est comme le fond de la voix, ce qui est le temps ici, l'église n'a débordé. N'a débordé dans la vie. Mais je ne peux pas regretter ce que j'ai dit. Je regrette le temps qui est dépassé. Vous le temps on dit la passe dans mon ce que j'ai dit, c'est pour le bien de votre âme. Et c'est pour le salut de votre âme. Un jour quand nous serons ensemble dans l'éternité. Vous verrez que c'était si important. Et que tous ces sacrifices que nous consentons avaient les raisons d'être. Et vous allez vous rendre compte qu'il fallait même faire plus encore que ça. Nous sommes dans un système où il y a des réalités, des embouteillages. Et tous, on habite pas la même adresse. Il y en a qui habitent très loin. Donc, ils doivent attendre de manière peut-être certains les transports. Et tout cela nous dérange. Et chaque jour, nous avons besoin de la guérison de Dieu. Et c'est le cœur qui reçoive des chocs. Et c'est le cœur qui se laisse troubler. Il devient parfois timide à cause de ça. Et Dieu les guérisse chaque fois. Il a pourvu. Ton nom soit béni. Mettons-nous debout pour la prière. Nous l'aimons tellement que les petites choses insignifiantes ne sont pas du tout un dérangement pour nous. Nous l'aimons plus que tout. Nous l'aimons plus que nos occupations, plus que nos programmes, plus que nos habitations, plus que les distances qui nous séparent avec l'Église. Nous l'aimons de toute notre force. Que son nom soit béni éternellement. Nous allons chanter le feu divin. Ce feu brûle à mon cœur et consume tous les signes du diable. Toutes les traces et ces sièges, ces trônes. Tous ces pièges. Le feu divin consume ça. De Dieu qui règne. L'ensemble de Ouzel Koconta. I am. De prière, notre reconnaissance pour tous les privilèges qu'il nous donne. Beaucoup d'avantages que Dieu te donne. Chaque jour et partout. Merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Je veux entendre ce que dit sa parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Lui n'est-il pas merveilleux? Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Roi du cœur, je veux être entendu, dit sa parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Mon Dieu n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi de mon âme, je veux entendre ce que dit sa parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? C'est vrai, il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux, roi de l'église, je veux dire, roi de saint, Jésus-Christ est le roi de saint, le roi de chrétien. Si bon n'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux, mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi de mon âme, je veux entendre ce que dit sa parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Le vivant n'est-il pas merveilleux? Et la même merveilleux, incroyable Dieu. Ah, merveilleux, le roi de l'église, je veux être roi éternel. Ta parole, mon Jésus, n'est-il pas merveilleux? Le vivant n'est-il pas merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux, mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? L'élan même que tu es, ce que dit ta parole, mon Jésus n'est-il pas merveilleux? L'élan n'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux, mon Jésus, n'est-il pas merveilleux? Le vivant, je veux entendre ce que Dieu se parle, mon Jésus, n'est-il pas merveilleux? Toujours merveilleux. Il fait des merveilles innombrables dans toutes les villes, dans tous les villages, tous les quartiers de ces villes et de ces villages, toutes les avenues, toutes les maisons qui s'attendent à lui. Il agira toujours. La foi amène des changements. Dieu te puisse. Nous te remercions pour ce soir. C'est toi qui l'as fait. Tu nous l'as donné. Nous sommes heureux d'y avoir participé. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous. C'est l'amour sincère pour ce Dieu qui est un roi éternel qui règne partout. Une royauté incontestable. Que ton nom soit béni éternellement. Que ton nom secoue chacun. Guérisse encore toute infirmité. Maintenant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, réveille ceux qui dorment. Humile notre foi, Seigneur. Guéris toute maladie. Tu as ce pouvoir. Tu as la même efficacité. Tu as le même amour à notre égard. Oh, résonne auprès de toi. Et toi qui ne te fatigues pas de parler. Toi qui ne te fatigues pas de sauver. Toi qui ne te fatigues pas de guérir. Opère encore parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué.